J'ai froid et je ne trouve plus la boutique Alpaca. Ils sont déménagés au 669 rue Saint-Jean. Ils ont toujours les mêmes belles choses, chaudes et douces. Et plus encore. Et en plus, elle est plus chaude et douce que jamais. Bon, j'irai tout de suite. 669 rue Saint-Jean. C'est bien ça. 669 rue Saint-Jean. Entre Sainte-Geneviève et Sainte-Marie. 418-522-2720 ou visitez notre site web www.alpaca.com. Samedi 21 décembre 2013, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec le sociologue Pierre Moutarde en première partie d'émission. Par la suite, ce sera la chronique de Renaud Blais en deuxième partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est votre magazine socio-économique hebdomadaire. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. C'est la chronique mensuelle sur l'Amérique latine avec le sociologue et spécialiste des questions latino-américaines, Pierre Moutarde. On va d'abord écouter ce qui suit et je vais ensuite m'entretenir avec Pierre. Directamente de campesino comprador, no de intermediario. De campesino comprador, no de intermediario. El precio está por los suelos y el segundo para levantarse. Porque los que se llevan la lana son esos. Ni trabajan ni nada, en un ratito ya se ganaron sus buenos quintos. Ese apoyo, ¿a dónde está eso que dicen que ahora sí le van a dar prioridad al campesino? Eso para mí no es así como ellos dicen. Se ve con hechos, palabras con hechos. Pues a mí no se ponen a pensar que si se acabara el campesino, ¿de dónde comiera la gente? La pièce s'intitule Intromix Sound Latino. C'est tiré de l'album Reggaeton de Hits Latino. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors c'est une petite intro musicale un petit peu bizarroïde, mais je voulais mettre ce genre de musique-là pour introduire à l'Amérique latine parce qu'elle est en train de changer l'Amérique latine, elle est en train de beaucoup changer depuis quelques années et on va faire un peu un bilan de la gauche un peu partout en Amérique latine en 2013, mais avant de faire ce bilan-là, et pour que ce soit un peu plus éclairant, on va justement voir comment elle a changé. Entre autres, il y a eu un phénomène majeur au cours des dernières années, c'est la fin de l'hégémonie américaine en Amérique latine. Et c'est une hégémonie qui me remonte quand même au début du 19e siècle. Ceux qui ont un peu étudié l'histoire savent qu'il y a la fameuse doctrine Monroe, du nom du président républicain James Monroe, qui à l'époque avait établi que toute intervention européenne était interdite dans les affaires des Amériques. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors effectivement, il faut replacer un peu les choses. Là, si on prend comme point de départ 1998, qui est l'élection... On n'ira pas jusqu'au début du 19e siècle. Qui est l'élection les élections qu'ont conduit Chavez à la présidence et qu'on essaye d'analyser ces 15 ou 16 années qui ont suivi, on s'aperçoit qu'en Amérique latine, il y a eu des changements très très importants par rapport à la période précédente et des changements qui s'expliquent peut-être par deux choses sur lesquelles peut-être on n'a pas assez mis l'accent jusqu'à présent et qui sont assez éclairantes. Alors, il y a ce dont tu as déjà parlé, Michel, là, cette idée du déclin, mais d'un déclin relatif de la puissance des États-Unis vis-à-vis de son influence en Amérique latine, et d'autre part la montée en force d'une nouvelle puissance économique qui va avoir beaucoup d'influence et de plus en plus d'influence à l'heure actuelle en Amérique latine, qui est la Chine. Alors ces deux facteurs combinés ensemble ont conduit à toute une série de transformations sociales et politiques qui ont permis, enfin c'est une thèse qui est à l'heure actuelle soutenue par beaucoup de spécialistes, qui ont permis donc que puisse se développer toute une série de transformations sociales et économiques importantes, et notamment qu'on puisse stabiliser un certain nombre de gouvernements de gauche ou proches, disons, des idéologies de gauche en Amérique latine, puisqu'il faut rappeler les faits, là, très simplement. 98, c'est l'élection de Chavez, comme je viens de le dire. Puis après, il y a Lula en 2002. Puis la crise argentine en 2001 qui pousse au pouvoir, finalement, qui amène au pouvoir un courant péroniste emmené par Néstor Kirchner. Puis après, il y a l'arrivée au pouvoir en Bolivie, d'abord en Équateur de Coréa, puis un gouvernement donc aussi en Bolivie de gauche. Tout ça donc met en évidence que peu à peu s'installent des gouvernements de gauche et dans leur sillage des politiques de gauche en Amérique latine dans un nouveau contexte. Juste avant d'en venir justement à ces gouvernements de gauche, peut-être pour en finir avec l'hégémonie américaine, en fait, si on peut en finir avec l'hégémonie américaine, est-ce qu'on peut dire quand même que les Américains ont lâché prise? Plus ou moins, hein, c'est très relatif, mais quand même, ça a laissé un certain espace, une certaine, donc, des espaces politiques qui ont permis à ces gouvernements de gauche de mener des politiques différentes des politiques néolibérales que les États-Unis ont cherché à imposer dans toute l'Amérique latine. Et pour nous, c'est très important. Au Québec, on s'en souviendra, en 2001, il y a eu le sommet des Amériques, là, les 34 gouvernements qui sont réunis à Québec et qui ont cherché à installer une zone de libre-échange du nord au sud de l'Amérique, hein, du détroit de Bering jusqu'à l'extrême sud. Et ce fameux accord de libre-échange a échoué magistralement, notamment parce qu'il a été combattu très très très fortement par Chavez et un certain nombre de, donc par le Venezuela, la Bolivie, etc., l'Équateur, et ce qui fait qu'en 2005 il y a un échec de cette tentative d'accord qui met justement en évidence comment il y a des gouvernements qui s'opposent à ces politiques néolibérales et qui cherchent un nouveau mode de développement qui est plus fondé sur ce libre-échange tout azimut, mais qui est fondée au contraire sur cette idée que l'État doit intervenir, qu'il doit redistribuer la richesse, qu'on doit pouvoir protéger les ressources naturelles et qu'on doit tenter par tous les moyens de favoriser un développement économique auto-centré. Hein, ça, c'est une nouvelle philosophie qu'on retrouve bien sûr de façon très marquée dans ces trois grands pays, enfin dans ces trois pays d'avant-garde, si je peux dire, en termes de positionnement de gauche que sont la Bolivie, l'Équateur et le Venezuela, mais qu'on retrouve aussi en partie de façon moins marquée, mais quand même présente au Brésil, qu'on retrouve aussi d'une certaine manière en Argentine, au moins avec les Kirchner, et qu'on retrouve de façon beaucoup peut-être plus théorique que pratique dans le gouvernement de Michel Bachelet. Vous avez évoqué le sommet des Amériques, 34 gouvernements qui se sont réunis. Si on faisait un sommet identique en 2013, à la fin de 2013, combien de ces gouvernements seraient en parlant des gouvernements d'Amérique latine, combien seraient de gauche? Évidemment, faudrait définir la gauche. Voilà, c'est ça qui est difficile. Mais disons qu'il y a 5-6 gouvernements là qui ont du poids, hein, qui ont développé dans les 12 ou 13 dernières années des politiques vraiment qui ne sont pas des politiques néolibérales classiques et que les États-Unis cherchaient à imposer sur tout le continent et qui donc sont allés à contre-courant et qui ont quand même bouleversé un certain nombre de données importantes, notamment quand on pense à la baisse de la pauvreté. Quand même, elle a baissé de proche de entre 30 et 40% au Brésil, au Venezuela aussi, les chiffres sont très importants, hein, près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, aujourd'hui il n'y en a plus que 27%, donc voyez-vous, il y a des baisses très très importantes et qui sont dues à des politiques de redistribution très très clair là en direction des secteurs les plus défavorisés et généralement des couches populaires. Oui, mais on n'est pas encore, on peut pas encore parler de filet social comme on a au Québec. C'est parce que c'est difficile de comparer. C'est, en fait, il y a comme deux mouvements qui se croisent. Dans le cas du Québec, on avait un filet social dont on avait hérité grâce aux politiques keynésiennes là, des années 60 et 70, qui est en train de disparaître progressivement, mais qui reste encore relativement présent. Hein, le Québec, en ce sens-là, est un peu en retard hein, par rapport aux politiques néolibérales vis-à-vis d'autres pays. Mais il y a quand même hein, une diminution du filet de sécurité sociale très très clair au Québec là, depuis une quinzaine d'années. Eh bien, en Amérique latine, ou en tout cas dans les pays en question, les 5 ou 6 pays en question dont je vous ai parlé, au contraire, il y a un retour de certaines politiques de redistribution. Il y a la remise en place d'un certain filet social. Hein. Bien sûr, l'Amérique latine partait de beaucoup plus loin du Québec, mais disons, ces pays vont un peu dans le sens inverse qu'a choisi pour l'instant le Québec, là, avec les gouvernements libéraux ou très conservateurs ou néolibéraux qui sont au pouvoir là depuis quelques années. C'est quand même une bonne partie de la population latino-américaine, c'est la moitié, un peu plus de la moitié. Oui, ben parce que si vous comptez le Brésil déjà avec ses 200 millions d'habitants, le Venezuela, c'est-à-dire qu'il y a, il reste un certain nombre de pays qui sont très encore clairement marqués à droite, notamment comme la Colombie, comme le Chili d'avant Michel Bachelet, un certain nombre de pays comme ça qui eux vont véritablement à l'opposé de cette démarche générale qu'on retrouve en Amérique latine, mais quand même c'est un phénomène assez spécial et justement qui est l'expression de ce relatif déclin de la puissance américaine, parce que avant on aurait difficilement imaginé des gouvernements de gauche avec des politiques vraiment qui vont à l'encontre des politiques américaines pouvoir rester longtemps au pouvoir. Or, depuis 13 ou 14 ans, c'est ce qui arrive hein, en Amérique latine. Donc ça montre bien que les États-Unis sont moins puissants qu'ils l'ont été parce qu'ils étaient occupés par cette fameuse guerre du Golfe et puis par tous leurs engagements ailleurs, en Irak, en Afghanistan, etc. etc. Et parce que aussi monte en force hein, une nouvelle puissance économique en Amérique latine, à côté de l'Union européenne qui s'est déjà investie beaucoup au début des années 2000. Vous avez la Chine, il ne faut pas oublier que la Chine, c'est le premier partenaire économique du Brésil et du Chili, c'est le deuxième du Venezuela et de la Colombie, donc c'est pas n'importe quoi. Donc et la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entretient des rapports commerciaux. Dans un sens, elle exporte des produits manufacturés et elle demande énormément de ressources, de matières premières, hein, des ressources, des biens primaires. Et l'Amérique latine en regorge d'une certaine manière. Voilà, on est un petit peu d'ailleurs dans une situation un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'une part la montée de la Chine permet à l'Amérique latine de se développer, d'avoir une certaine indépendance par rapport aux États-Unis, mais en même temps c'est la montée de, si je comprends bien, il y a un certain danger à cause de l'extractivisme, c'est-à-dire une économie trop centrée sur l'extraction des matières premières. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Alors c'est un peu la difficulté ou les limites de ce modèle qui a permis un certain nombre de choses intéressantes, notamment ces politiques de redistribution de la richesse vers les secteurs les plus démunis, ça c'est le côté positif, qui a permis aussi d'affirmer une certaine indépendance nationale, qui a permis aussi de constituer des politiques d'intégration régionale avec la constitution de l'ALBA, la constitution de la CELAC, de l'UNASUR, toute une série d'organismes qui ont cherché à défendre plus les intérêts des États latino-américains, ça c'est le côté positif. Excuse-moi Pierre, oui. Faudrait peut-être dire ce que sont ces organismes ALBA. Oui, l'ALBA, c'est l'alliance, ça regroupe un petit peu le Cuba, la Bolivie, l'Équateur, c'est des accords économiques entre ces pays et le Venezuela, et qui ont permis des échanges très intéressants en termes de pétrole, hein, notamment les fameux accords qu'il y a eu au Venezuela, les médecins cubains qui venaient au Venezuela en échange du pétrole que Chavez livrait à des coûts très très intéressants, pratiquement gratuitement à Cuba. Alors c'est des échanges là qui ont permis des échanges sud-sud hein, qui ont permis au Venezuela, à ces États en tout cas, d'échapper un peu à ces logiques de rapports très inégaux entre le Nord et le Sud qui caractérisaient jusqu'à présent là, les rapports économiques de l'Amérique latine avec l'ensemble de l'économie mondiale. Oui. Donc ça a changé de manière assez importante. Ça, c'est les côtés positifs. Les côtés négatifs, c'est un peu, si vous voulez, quand tout à l'heure tu parlais, Michel, de l'extractivisme, c'est qu'au fond, qu'est-ce que il y a une espèce de réorientation de l'économie latino-américaine autour de la production de biens primaires, aussi bien des l'agro-business du genre le soja, la production du soja, mais aussi la production du pétrole, l'exploitation du pétrole. Et puis des minerais de toutes sortes, hein, ça, il y a une espèce de recrudescence à cause de la demande chinoise. Et on le sait depuis les années 60-70, qu'un pays n'arrive vraiment à sortir du sous-développement ou du mal-développement que s'il est capable de développer un processus d'industrialisation. Or, quand vous reprimarisez, si je puis dire, votre économie, eh bien, vous êtes perdant au change, parce qu'on sait très bien qu'il y a une tendance à la hausse des produits manufacturés et une tendance à la baisse des produits des biens primaires. Et donc, vous vivez et vous assumez les conséquences d'un échange inégal qui, à moyen et long terme, devient très peu payant. Au contraire, vous êtes perdant. Donc, quand des économies se reprimarisent, elles finissent toujours par se retrouver dans une situation moins favorable. Est-ce que les gouvernements de gauche font quelque chose pour contrer ce risque, ce danger? Ben, c'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat, justement. C'est à l'heure actuelle, c'est le grand débat. On en a un peu parlé de façon, c'est par un autre biais, là, à propos du fameux parc de Yasuni. Oui, hein, oui. Parce que ça, c'est un exemple, il faut le rappeler, cette fameuse réserve naturelle du parc de Yasumi, dans le sous-sol de laquelle on a découvert des ressources de pétrole extraordinaires. Et c'était le dilemme, est-ce qu'on va exploiter le pétrole dans une zone, un parc naturel où il y a une extrême diversité, une biodiversité extraordinaire, qui est un peu une espèce de réserve de poumons de la planète tout entière. Est-ce qu'on va être capable de la préserver, cette zone-là, ou au contraire, hein, à cause des richesses temporaires, au moins, que peut apporter le pétrole, de l'argent qui pourrait servir justement à développer des systèmes d'éducation, de santé, à favoriser une certaine redistribution de la richesse. Eh bien, c'est le grand dilemme des gouvernements. Et jusqu'à présent, le gouvernement coréen, dans le cas du parc de Yasumi, a décidé d'exploiter le pétrole après avoir pourtant tenté pendant 5-6 ans, là, une opération très intéressante en mettant l'ONU et le PNUD dans la partie et en cherchant à ce que la communauté internationale et surtout les pays les plus riches puissent accorder au Venezuela une aide de manière à ce qu'il n'ait pas à utiliser ce pétrole et qu'il puisse en partie quand même recevoir de la communauté internationale en échange de cette volonté là, de ne pas nuire, de ne pas favoriser le développement de gaz à effet de serre, de ne pas nuire à l'écosystème, en échange de ça, d'avoir une aide internationale, une espèce de soutien, une prime écologique en quelque sorte. Mais la communauté internationale n'a pas saisi l'occasion et donc a amené Rafael Correa, le président de l'Équateur, à décider de se lancer dans l'exploitation pétrolière et donc de saccager une des plus belles régions du monde. Oui. Vous avez parlé tantôt de du fait que la gauche était consciente qu'il fallait comme faire quelque chose pour éviter le piège de l'extractivisme, la reprimarisation de l'économie. Oui, voilà. C'est un peu. Il y a un autre aspect qu'on entend, en fait, si on s'intéresse à l'Amérique latine, c'est le fait qu'il y aurait un débat entre deux gauches, qu'il y aurait deux gauches latino-américaines. Est-ce que je me trompe? Ah oui, tout à fait. Une gauche qui était incarnée par Chavez, et derrière lui directement Correa et Morales, Evo Morales de la Bolivie. Ça c'est un peu la gauche la plus radicale et qui s'est caractérisée par des mesures, qui a pris des mesures assez importantes, notamment cette fameuse constituante qui a essayé de développer la démocratie participative, qui a essayé d'impliquer les mouvements sociaux, ou en tout cas la population là dans les prises de décision, et qui a amené des changements plus rapides et assez importants, en tout cas dans ces pays-là. Et puis une gauche plus modérée, qui est à la tête de laquelle se trouvait le Brésil de Lula, et qui, tout en remettant pas en cause le système néolibéral, a quand même développé une politique de redistribution en direction des secteurs les plus démunis, le fameux plan fin zéro là qui a eu des effets importants. mais qui est sous forme de ce qu'on appelle des transferts conditionnés, c'est-à-dire qu'on donne aux gens de l'argent, des subventions aux secteurs les plus démunis, mais à condition qu'ils envoient leurs enfants à l'école, à condition qu'ils les fassent vacciner, etc., etc. Mm-hmm. Mais ces politiques-là, elles sont bien, elles aident des gens à sortir un peu du trou. Mais elles ne fournissent pas de l'emploi stable, elles ne maintiennent pas en l'état un système d'éducation publique ou de santé publique qui permettrait que toutes ces mesures qui sont positives puissent durer dans le temps et avoir des effets structurants. Pierre, j'ai envie de vous demander de donner une note aux différents gouvernements latino-américains, mais avant, si vous en sentez capable, évidemment, mais avant, j'aimerais qu'on apporte un dernier aspect qui est la question des droits des peuples autochtones. Est-ce que les gouvernements gauches sont plus respectueux? Est-ce que c'est une avancée aussi pour les droits des peuples autochtones, le fait d'avoir davantage de gouvernements de gauche? Oui, alors, dans un sens, oui, mais là aussi, c'est contradictoire. Dans un premier temps, tous ces gouvernements de gauche ont favorisé, au moins en termes juridiques, en termes constitutionnels, ont favorisé la reconnaissance de droits autochtones de manière relativement importante. Dans le cas du Venezuela, il y a par exemple des places à l'Assemblée nationale qui sont réservées aux députés autochtones, on leur a reconnu des terres, etc. Donc ça, il y a des choses assez positive. Et dans le cas de la Bolivie, dans la Constitution, est née cette idée d'un État plurinational, donc on reconnaît les différentes nationalités et donc les nations autochtones. Ça, c'est des avancées tout à fait majeures et considérables. Ceci dit, au fil du temps, et notamment à cause des politiques extractivistes qui sont imposées dans ces pays-là, puisqu'elles apportaient de l'argent et qu'elles permettaient donc de redistribuer la richesse, il reste que où se font ces exploitations de minérales ou ces exploitations pétrolières, elles se font dans des zones qui sont en général des territoires ancestraux qui appartiennent ou qui sont reconnus comme tels, comme appartenant aux autochtones. Ouais. Et à ce moment-là, il y a des conflits, naissent des conflits très très importants avec ces communautés, parce que dans la constitution, dans ces nouvelles constitutions, en général, on reconnaissait aux autochtones le droit de pouvoir de donner leur avis et de s'opposer à tel ou tel projet d'exploration. Ouais, ils n'ont pas des traités comme ici. Effectivement, ils n'ont pas des traités comme ici, mais la Constitution leur donnait justement ces nouvelles constitutions plus révolutionnaires, plus progressistes, leur donnaient des droits. Malheureusement, très souvent, et dans le cas de la Bolivie comme du Venezuela, ces droits, même s'il y a dans ces pays des gouvernements de gauche, ces droits ne sont pas véritablement reconnus. Il y a la fameuse route de Tipnis là en Bolivie, qui en est l'expression, le symbole peut-être le plus criant là ces dernières années. C'est une route que les communautés autochtones ne voulaient pas voir passer dans leur territoire parce qu'elles allaient transformer la biodiversité, etc., et avoir des conséquences importantes sur tout leur mode de vie. Et malgré tout, le président Morales a décidé de faire passer cette route-là, alors qu'il n'aurait pas dû le faire puisque la constitution qu'il avait fait voter préalablement reconnaissait aux autochtones le droit de pouvoir s'opposer à de telles mesures de développement. Venons-en aux notes maintenant. Est-ce que, allons-y peut-être globalement, est-ce que les gouvernements de gauche méritent davantage un A ou un C ou... C'est difficile. On peut mettre des notes, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que l'Amérique latine nous donne des leçons magistrales. Il est possible de faire autrement que ce que nous imposent les grands, le FMI, la Banque mondiale, les grands de ce monde, c'est-à-dire de faire autrement que ces fameuses politiques néolibérales dont on entend partout chanter la gloire. Regardez encore au Québec comment on insiste là ici dans notre mairie avec Monsieur Labeaume sur la question de la dette. Ça, c'est une obsession néolibérale absolument qui est quelque part insupportable et qui finit par entraîner des politiques de développement qui sont catastrophiques pour les secteurs, de larges secteurs de la population. Bien, pourquoi on pourrait mettre une très bonne note à tous ces gouvernements de gauche, c'est qu'au moins ils ont osé aller à contre-courant, essayer de réaffirmer une indépendance nationale en disant nous on veut développer nos ressources de telle et telle manière et on veut qu'elles servent à favoriser le développement des secteurs les plus démunis de la population, les secteurs populaires, ceux qui ont été oubliés jusqu'à présent par le développement. Et ça, c'est quelque chose de très, très positif. Après, on peut peut-être séparer, si vous voulez, des gouvernements qui ont osé aller plus loin. Et dans ce sens-là, il faut reconnaître à Hugo Chavez, au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui, qu'il a eu vraiment un rôle de locomotive. C'est lui qui a poussé à l'intégration régionale, c'est lui qui a poussé à cette redistribution massive, c'est lui qui a été le plus loin dans ces tentatives de transformation structurelle, même s'il n'est pas allé aussi loin qu'on le dit souvent, parce qu'on reste au Venezuela dans un pays de libre marché capitaliste. Ça, il n'y a pas simplement l'État intervient plus pour réguler la vie économique, alors que justement ce que propose ou ce que tente d'imposer les États-Unis à l'échelle de tout le continent, c'est de faire que l'État intervienne le moins possible, que l'État soit un État minimum en quelque sorte, et donc que les règles, les lois du marché puissent fonctionner d'elles-mêmes, avec tout ce que ça implique d'écart en termes de redistribution de la richesse, d'inégalité, de saccage de l'environnement, etc., etc. Donc dans ce sens-là, tous ces gouvernements ont eu des conditions peut-être, mais aussi ce courage politique d'aller à l'encontre des politiques, de se heurter de plein fouet, de s'opposer de plein fouet là aux volontés américaines. Et ça a été tout à l'avantage de leur peuple et des secteurs populaires de leur pays qui étaient les plus mal pris et qui maintenant vont mieux malgré tout, vont mieux. Eh bien, merci beaucoup Pierre pour ce tour d'horizon. C'était fort éclairant. Il me reste à vous souhaiter de passer des très belles fêtes et on va se revoir en 2014 pour poursuivre nos séries d'entretiens sur l'Amérique latine. Voilà, c'était super. Merci, au revoir. Allez, bonne fête à tous. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivía los problemas de la razón popular, que vivía los problemas de la razón popular. Hoy el mundo queda en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña que luto para la España, que vergüenza en el planeta haber matado un poeta nacido de sus entrañas, haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Pour 25 piastres, devenez membre, puis gagnez le bon Noël. 15 000 piastres. Appelez à chez KRL puis demandez le poste 207. Merci à Papouette, Papouette et Potin. 1501 Chemin de la Canardière. Au Théâtre Petit Champlain et sa grande veillée d'antan du 28 décembre. À l'Anglois Opticien 337 Saint-Joseph S. Au Coureur Nordique 141 Chemin Sainte-Foy. À Timon Mes Merveilles et à la boutique Point d'exclamation 762 rue Saint-Jean. Grouille-toi, on prend cash ou Visa. 88-640-2575. Poste 207. 107, joyeux Noël! Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... 20 ans d'écart, American Hustle, Arnaque à l'américaine, Dallas Buyers Club, Le démantèlement, Esclave pendant 12 ans, Fanny, Le Hobbit 2, La désolation de Smaug, Hunger Games, Catching Fire, Le jour le plus court, programme famille, Le jour le plus court, programme festival, Marius, Mission Dindon, Opéra national de Paris, Hansel et Gretel, Philomena, Ressac, The Secret Life of Walter Mitty, Sur la Terre des dinosaures 3D, Mademoiselle tirer la langue, Un château en Italie, La vie secrète de Walter Mitty et La voleuse de livres. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Le Ciccio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-sons incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Ciccio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Hey! En décembre, ton party de Noël, c'est à Souche que ça se passe. Des bières artisanales faites au Québec dans un vrai pub. Un menu de boucher totalement délectable. Une table d'hôte aux saveurs locales. Le tout dans une ambiance festive et chaleureuse. La Souche. Pour réservation, 581-742-1144 ou à événement à commercial lasouche.ca. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Nous sommes de retour, c'est le Grain de sable d'Attaque Québec. Vous écoutez sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Renaud. Bonjour, Michel. Bien? Oui. Très bien. Quelques fenêtres sur des ailleurs vus d'ici. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un militant altermondialiste depuis plus d'une douzaine d'années, indien inscrit depuis l'hiver 2012 comme Huron-Wendat à part entière, métis et fier de l'être. C'est en plein ça. Présentation brève, c'est bon. Oui. Et là, cette semaine, vous nous présentez un invité qui est de la... Monsieur d'origine de la Bosnie-Herzégovine. J'osais pas le dire, Herzégovine, mais... Oui, c'est le nom officiel du pays. Oui. Alors, depuis des décennies, moi, je me fais le promoteur de la reconnaissance et du respect de la diversité comme étant la nature même de la communauté humaine. Alors, aujourd'hui, je vous présente le résultat d'une entrevue avec Monsieur Esad Kavazovic, d'origine bosniaque. Monsieur Kavazovic est récemment retourné en Bosnie-Herzégovine pour la première fois depuis qu'il avait quitté son pays en 1995. Je suis très fier de vous présenter cette entrevue après cette très brève introduction. Dans ce premier extrait, Monsieur Kavazovic nous fait part de son expérience personnelle. Nous enchaînerons avec une pièce musicale dont l'origine remonte aux suites de la Première Guerre mondiale, moment majeur dans la vie de l'ex-Yougoslavie. Né au centre de deux empires, l'Austro-Hongrois au nord et l'Ottoman au sud, à la fin de cette soi-disant Première Guerre mondiale, l'optimisme était de mise chez les Bosniaques, avec cette extraordinaire remise en question des frontières en Europe centrale. Alors, on écoute M. Kavazovic. Alors, M. Esad Kavazovic, Kavazovic. Kavazovic. Alors, vous venez de Bosnie. À un moment donné, vous avez décidé de quitter pour le Canada. Oui. Mettez-nous un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous décidez de quitter votre pays? Écoutez, c'était au milieu de novembre 1995, exactement, c'est le 13 novembre 1995 qu'on est arrivé au Québec ici. C'était une semaine et demie avant de la signature de la paix de Dayton. J'ai passé avec ma famille 4 années au milieu de la guerre. C'était vraiment terrible. Et j'avais certaines informations de Dayton. J'ai vu que c'est une division. Ce ne sont pas les objectifs de la guerre qui sont été imposés avant de la guerre. Et je savais par l'histoire que après la guerre, la situation, c'est terrible. Je compare un État avec une maison. Pour le bâtir, il faut beaucoup de gens, beaucoup de patience, beaucoup d'argent, beaucoup des efforts. Pour la détruire, il faut avoir juste 2 minutes et quelques fous. C'est la même chose avec un État. Et je savais que il suivit une période très difficile où ma famille, il n'y a pas beaucoup de chances de survivre et réussir ce temps-là. On a décidé de partir. Et on était chanceux. On était convoqué à l'ambassade canadienne pour interview, pour venir ici. Et à la fin, le 13 novembre 1995, on est arrivé ici à Québec. Directement? Oui, directement. C'était juste deux escales d'avion et après environ 15 heures de vol, on était ici. J'étais à ma ville natale, moi et mon épouse, on a travaillé jusqu'au dernier jour. On est arrivé le 13 novembre ici et 11 novembre, on a fini notre travail les deux. J'ai travaillé à l'école comme enseignant et mon épouse, elle était aussi infirmière. Ok, et vous êtes de quel coin en Bosnie? De quelle ville? Ma ville natale, la ville où on a habité, c'est Travnik. C'est 80 km au nord-ouest de Sarajevo. C'est une ville très connue parce que c'est la ville de naissance d'un monsieur écrivain de chez nous qui a gagné le prix Nobel pour la littérature. Il s'appelle Ivo Andrić. C'est par lui, cette ville est bien connue. Ok, bon. Alors, ouais, votre passage a été relativement simple. Alors, vous avez été identifié par le Québec ou le Canada ou des fois c'est un ou l'autre? C'est une autre histoire, probablement intéressante aussi. J'ai appliqué au même temps à deux endroits. À l'ambassade à Vienne, en Autriche, il existe l'ambassade du Canada, j'ai appliqué là. J'ai appliqué aussi, le gouvernement du Québec qui a son bureau à la Vienne là. Et on a été à deux rails au même temps. Dans un moment, le Canada, il nous a refusé. Mais on a continué le contact avec le bureau du Québec, le bureau d'immigration du Québec. Et dans un moment, on a reçu par la poste certificat de la sélection du Québec. Et c'était le moment de joie chez nous, dans la famille. Et après, on a reçu une invitation à l'ambassade canadienne. Par la poste, j'ai vu qu'ils sont rassemblés deux dossiers. Ça veut dire que Québec était celui qui nous acceptait et qui a insisté de nous accueillir ici. On était très chanceux. Au début, c'était terrible, c'était inhabituel, c'est pas facile comme pour tout le monde. On est arrivés, nous quatre, avec quatre petites valises. Après 40 ans de travail ensemble, moi et mon épouse, ici avec deux enfants, un adulte, un autre adolescent, on n'a pas connu la langue. Les enfants parlaient un peu anglais parce qu'ils sont appris à l'école. Mais grâce à la générosité de la société québécoise, je dois souligner ça vraiment, on s'est adapté assez facilement. On n'est pas se senti beaucoup étranger ici, grâce à la générosité et compréhension des gens qui vivent ici. On s'est adapté bien, les enfants ont commencé à fréquenter la francisation, nous aussi, après les enfants ont pris ces cours réguliers et maintenant, nos deux enfants sont vraiment réussis. Notre fils, il a fini son doctorat en mathématiques ici à l'Université Laval, il a travaillé ici, même à l'université certain temps. Notre fille, elle a terminé ses études de maîtrise de la langue anglaise, elle travaille ici à Québec. On est très contents, malgré certaines inquiétudes. Parce que quand nous sommes arrivés ici au Québec, c'était après le deuxième référendum ici. Par la télévision, chez nous, on a vu les transparents, les euphories, les gens sur la rue, dans la rue. Et le résultat presque égal aussi. Et c'était presque la même chose avant de la guerre chez nous. C'était une inquiétude vraiment. Et au début, j'avais une idée à la tête. Bien, on y va au Québec, à Québec. Et probablement bientôt, on partira à Québec. On partira pour un autre coin du Canada. Mais jour après jour, on a vu une situation tout à fait différente. Le référendum, c'était une autre chose que chez nous, évidemment. Oh, il y avait une guerre dans les médias, mais il n'y avait pas de guerre concrète sur le terrain. C'est ça. Sur le terrain, c'était tout autre chose. On a vu que les gens nous rassemblent beaucoup, qu'on est bien accueillis ici. Et on est très contents qu'on est au Québec. On a beaucoup de nos connaissants, des amis qui sont au autre coin du Canada, même qui sont été à Québec, qui sont partis bientôt. On a gardé les contacts et on a vu que ce n'était pas bonne idée à notre point de la vie de quitter le Québec. On est très contents maintenant. Bosno moja, poharana, zemljo moja neorana, četiri leta nesijana. Alors, Renaud, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ben, c'est une chanson qui parle de, comme je l'ai présenté un petit peu au début, c'était ça date du début du 20e siècle. Ouais. Au moment où la Bosnie se retrouvait avec toutes les frontières mouvantes, il y avait beaucoup d'espoir dans la communauté, ce qui est pas du tout le cas, vous allez voir avec le deuxième extrait, là. Mais j'aimerais préciser pour les auditeurs, Dayton, là, c'est le nom d'une ville, mais c'est là qu'a été conclu l'accord de paix en 1995, qui a mis fin à la guerre. Okay. Mais vous allez voir que M. Kavazovic est pas très optimiste sur l'avenir, là. On va vous faire écouter le deuxième extrait où c'est un petit peu plus politique. On écoute. Monsieur Kavazovic, est-ce que vous pouvez... Vous revenez de Bosnie. C'était la première fois que vous êtes retourné depuis. Et est-ce que vous pouvez nous situer un peu l'actualité aujourd'hui en Bosnie? Je trouve que c'est une grande pause avant une autre guerre. Rien n'est pas réglé. Les problèmes qui sont existés, qui sont été source de problèmes en Bosnie, ne sont pas réglés, à mon avis. C'est un pays à la transition. C'est bulgare, c'est brutal. Bâtir un pays, c'est pas facile. Je ne suis pas optimiste, vraiment. Question qui était principale source des problèmes en ex-Yougoslavie, la question de nationale, n'était pas réglée non plus pendant la guerre. C'est une situation vraiment précaire, très fragile. À l'autre côté, le niveau de chômage est très élevé, je pense 50%. Il y a beaucoup de corruption, l'État ne fonctionne pas, les politiciens ne sont pas honnêtes. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens souriants dans la rue, au restaurant. J'ai l'impression que la majorité sont dépressives, sans quelque sens pour l'avenir meilleur que maintenant. Et ça, c'est vraiment, j'étais très, très content de revenir à Québec. Alors, si c'est pas très... Ouais, ouais. Maintenant, quand vous dites que c'est une période de transition, bon, on connaît pas la guerre maintenant, concrète, là, mais dans votre coin, il y avait pas d'enclaves qui ont été créées avec des gens comme... j'ai des amis, par exemple, qui habitent chez nous. Là, eux, ils viennent de Srebrenica, qui est devenue une enclave serbe en Bosnie. Bon, Il y avait beaucoup de villes divisées maintenant. Vous avez la situation des écoles, deux écoles différentes par ethnie sur le même toit. Il y avait beaucoup de méfiance entre les ethnies, entre les peuples. Plus la situation générale qui est vraiment très fragile, manque de travail, la pauvreté, ça provoque encore et ça accentue la situation difficile. Méfiance entre les gens, retour en arrière au lieu de regarder en avant, de planifier. Les gens, ils n'ont pas beaucoup d'optimisme par la situation là, et je ne le vois pas aussi moi-même. Mais là, vous précisez une école avec une section avec les gens d'une telle origine ethnique et l'autre section avec... Oh là là! C'est une école avec deux ethnies ou... Oui, oui, c'est ça. Aïe, aïe, même, c'est pas évident. Même, est-ce qu'ils vivent dans la même cour d'école? Même les cours sont divisés, sont clôturés parfois. Même l'école que j'ai fréquenté, l'école primaire, j'ai travaillé comme enseignant dans le même lycée là. C'est une grosse bâtisse. Elle est maintenant, le bâtisse est divisé à deux écoles, l'école catholique et l'école des autres. Il y a toutes les trois nations dans l'école. Même le couleur de la façade n'est pas pareil au bâtisse. C'est incroyable. Les enfants, ils s'approchent dans la rue au cours, mais il y a toujours qui les divise. C'est accentué et c'est favorisé même par les enseignants parfois, par les politiciens, par la situation générale, par le climat politique. C'est un pays pratiquement divisé à trois, même s'il est reconnu comme une Bosnie et Herzégovine. Mais dans la réalité, ça fonctionne assez mal et c'est divisé vraiment. Oh là là, dites-moi, cette même école, avant la guerre, ils avaient les mêmes enfants, mais il n'y avait pas de division. Là, vous me parlez d'une division plus confessionnelle qu'ethnique? Oui, oui. C'est à la base de la religion. Une partie, une moitié de cette bâtisse, c'est l'école primaire, secondaire, elle s'appelle Centre éducatif catholique. Et c'est gardé par l'Église catholique, pratiquement. L'autre moitié, c'est l'école publique comme avant. Il y a des élèves de les trois ethnies qui vivent là et les autres. La plupart, à l'autre côté, ce sont les Bosniaques qui sont dans l'école. Les confessions musulmanes, alors? Oui, les confessions. Mais catholiques, est-ce que c'était pas les Croates qui étaient catholiques? Ou... Oui, oui, c'est ça. Puis, trois ethnies, vous parlez des Serbes aussi? Oui, il n'y a pas beaucoup de Serbes dans ce coin-là. Ils sont partis pendant la guerre. La guerre a divisé vraiment ce pays-là par les ethnies, les principes ethniques. C'est ça, ce sont les résultats de la guerre partout en Bosnie. L'annexe 7 de la paix de Dayton, il a prévu de retour à chacun à sa place où il était avant, mais ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait au niveau des Bosniaques plus qu'au niveau des Serbes, des catholiques aussi, mais et c'est un problème qui n'est pas résolu. Je ne vois pas beaucoup de chances que ça sera résolu en cours. Ok. Est-ce que vous considérez que, quand vous dites les gouvernements, oui, sont peut-être un peu corrompus, mais est-ce que il y a un processus électoral? Est-ce qu'il y a un parlement démocratique? Ou si on parle encore de l'armée qui est au pouvoir, ou bon, est-ce que vous pouvez un peu nous situer? Maintenant, l'armée, c'est l'armée ensemble. C'est rassemblé les trois par la force de la politique internationale. Le gouvernement, il existe maintenant, mais il est toujours créé par les principes ethniques. Au président, il y a trois présidents qui font chacun sa tour, chaque 12-15 mois, je ne sais pas combien exactement, un serbe, un bosniaque, un catholique, croate, et maintenant c'est prévu par toutes les lois, parce que c'est prévu par la constitution créée à Dayton. Est-ce que Dayton, à ce moment-là, quand ça a été signé ou que les gens ont consenti, ça ne devait pas être une situation transitoire, mais la transition persiste? C'est ça. C'était l'idée primaire, je pense, c'était comme une transition. Les ethnies, ils sont réalisés ces efforts et les objectifs de la guerre. Ils ont pris le Dayton comme sa chance. Et il y a des bons côtés de Dayton. La guerre était arrêtée. Il n'y avait plus de morts par la guerre. C'était prévu comme une transition. Mais cette transition dure déjà 20 ans et c'est inacceptable. Rien n'est pas changé. Approfondit la division ethnique, la division gouvernementale et l'élite politique. Ça lui convient parfaitement. Parfaitement lui convient parce qu'ils sont clôturés, pas seulement l'espace, ils sont clôturés les peuples là. Si ce pays veut avancer vers les intégrations européennes, ils doivent refaire Dayton, il doit le corriger. Mais les élites politiques sont contre ça parce que ça veut dire qu'il perd le pouvoir. Okay. Et personne ne veut pas le perdre. OK. Quand vous dites qu'ils devront revoir Dayton, est-ce que c'est l'Union européenne qui pose ces conditions-là ou si par la contrainte ils seront... Le monde, les forces internationales, l'Union européenne, les États-Unis, ils préfèrent vraiment régler cette situation parce que c'est un bon retard au fond de cette région. Mais ça ne va pas par le décret. Ils ne veulent pas par la démocratie. Vous savez, la démocratie, ça ne s'exporte pas par les chars militaires. Ils préfèrent de devenir en accord les politiciens ethniques là. Puis il n'y a personne qui se situe au-dessus de la mêlée. Nulle part, la présidence, les premiers ministres, je sais. Ah, écoutez, ça fonctionne vraiment. Il existe le mécanisme des blocades, différentes, politiquement, économiquement, par les ethnies. Chaque fois, quand il sent que c'est vers un état des citoyens, il bloque n'importe quelle loi au Parlement. Ils ont les mécanismes de bloquer, d'obstruire. Vous dites qu'on ne peut pas importer la démocratie ou exporter la démocratie dans un pays par les chats. Non. Donc, la culture démocratique n'existe pas encore dans ces pays-là. Non, c'est presque impossible implanter dans les circonstances actuelles. Alors, tant pis pour l'avenir, optimisme, mais bon, c'est la réalité qu'on aime bien entendre. Et je vous remercie beaucoup, monsieur Kavazovic, d'être venu en entrevue et je suis très heureux d'avoir entendu ses propos. Je vous remercie beaucoup de temps consacré à ce sujet-là, d'avoir intérêt de la Bosnie parce que le monde, presque, j'ai l'impression qu'il a un peu oublié la Bosnie. La Bosnie est oubliée. Je vous remercie beaucoup qu'on a actualisé un peu ce problème-là. Merci beaucoup. Sur ce, chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite de passer un très heureux moment avec les personnes que vous aimez dans les fêtes et à la prochaine. Peut-être qu'en janvier, on aura une personne d'origine ukrainienne, mais comme on dit souvent, tout n'est pas attaché. Fait que j'ai fait des démarches un peu, mais bon, Alors, je vous souhaite quand même de très heureuses fêtes. On verra bien, Renaud. Joyeuses fêtes à vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Donc, c'était Renaud avec son invité, M. Kavazovitch. On va écouter une pièce, nous deux, des Blaireaux de Ravel. Ravel, nous deux, c'est tiré de la compilation Voleur du dimanche. C'est normalement le temps de la rubrique à surveiller cette semaine. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action et la démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches. Il y a un site web www.reseauforum.org/grille/calendrier. Non, je dis que c'est normalement le temps du calendrier de la démocratie en action, mais il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas d'agenda cette semaine. Vous comprenez, c'est le temps des fêtes et les gens sont tous occupés à autre chose qu'à faire diverses activités. Mais ça me fait plaisir quand même de vous souligner ce calendrier, de vous inviter à vous y rendre et surtout à les soutenir, à les encourager. Il n'y a pas de montant trop petit, 5$, 10$, 20$, enfin vous donnez ce que vous voulez. Et ça permet aux gens qui font ce calendrier de tout simplement payer le coût du serveur, hein, le coût de différents coûts techniques quoi pour maintenir ce calendrier en vie. Je vous jure, ils font pas un sou avec ça. C'est uniquement pour faire en sorte que le calendrier puisse poursuivre sa belle mission de nous informer sur les événements qui se passent ici à Québec, mais aussi parfois ailleurs à Montréal, ailleurs au Québec. Donc c'est le mot de la fin. Merci à Pierre Moutarde pour l'éclairage qu'il nous a apporté sur l'Amérique latine. Merci également à Renaud Blais et à son invité, M. Esad Kavazovitch, pardon, Québécois d'origine bosniaque. Merci. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable. Et de là, vous aurez accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ils sont aussi, ces enregistrements, disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Vous allez voir, c'est pas compliqué de devenir membre d'Attaque Québec et c'est une belle façon d'encourager cette association qui essaie de faire avancer les choses, que ce soit sur la taxation des transactions financières qui progresse mais trop lentement pour vraiment avoir un impact sur les finances publiques, que ce soit les paradis fiscaux, la lutte aux paradis fiscaux parce qu'il y a énormément d'argent qui sont perdus dans ces paradis fiscaux pour les finances publiques. Que ce soit aussi tout ce qui concerne le libre-échange, parce que encore là, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par rapport au libre-échange, il n'y a pas que du positif dans le libre-échange. C'est un peu ce qu'on essaie à TAC Québec de vous informer, de vous faire prendre conscience. Vous pouvez trouver aussi les enregistrements de notre émission sur le blog. Nous avons un blog, le grain de sable, en un seul mot, qc.org, où vous trouverez divers liens Internet de ce dont nous vous avons parlé. Nous avons une page Facebook, cherchez-y le grain de sable sur CKRL, ainsi qu'un compte Twitter, @grain de sable QC. Réagissez-y, ça nous ferait grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. ATTAC Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous sur notre... nous avons aussi un mail, un endroit où vous pouvez nous écrire. Le grain de sable en un seul mot @yahoo.com. Donc, vous pouvez nous écrire cette adresse courriel. Si vous voulez écrire davantage qu'uniquement 140 caractères sur Twitter, vous pouvez nous écrire sur le grain de sable @yahoo.com. Vous pouvez nous écrire aussi directement sur notre blog. Il y a un endroit où vous pouvez mettre des commentaires, nous envoyer tout ça. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. C'est votre animatrice Michèle Lemonnette qui vous souhaite de passer d'ici là une belle semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit, les Cheek contre-attaque sur les ondes de CKRL 89,1. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Pour 25 piastres, devenez membre, puis gagnez le bonheur qui rend 2000 piastres. Appelez à CKRL puis demandez le poste 207. Merci à Papote, Papote et Potin, 1501 Chemin de la Canardière, au Théâtre Petit Champlain et sa grande veillée dentaire du 28 décembre, à l'Anglois Opticien 337 Saint-Joseph S, au Coureur Nordique 141 Chemin Sainte-Foy, à Timon Mes Merveilles et à la boutique Point d'exclamation 762 rue Saint-Jean. Grouille-toi, on prend cash ou Visa. 88-640-2575, poste 207, joyeux Noël! L'École en arts visuels de Beauport vous invite à vous inscrire à sa session d'hiver. Des professeurs qualifiés dans les domaines du dessin et des différentes techniques picturales vous y attendent. Cours d'initiation dessin, de dessin avancé, de cheminement créatif et de bande dessinée y sont offerts, s'adressant aux enfants et aux adultes. Inscrivez-vous dès maintenant et devenez maître de votre dessin. Début des cours le 20 janvier. Informations 88 641 64 71 ou sahb.ca. 88 641 64 71 ou sahb.ca. La, la, la, la, la, la. Qu'est-ce que la musique de Noël? Un mal nécessaire, un traitement de canal, un supplice intolérable, des ongles sur un tableau noir, une déchirure du tympan ou tout simplement un horrible ver d'oreille? Chaque année, sur CKRL, les intrépides Denise Leclerc et Claude Brindamour tentent l'impossible. Présenter la nativité en musique en extirpant le mauvais pour le faire renaître. Quand ça? Dimanche le 22 décembre à 13h. Où ça? Seulement au 89.1, bien entendu.